Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, propagande et manipulation. Freedom of propaganda is important to our democracy. De Sigelé à Le Bon. Les foules sont de retour. Elles montrent de plus en plus leur visage. Quelques auteurs perspicaces. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. On se doutait qu'un film d'Eisenstein était un film de propagande. Aujourd'hui, on ne se doute pas nécessairement que l'on a affaire à une opération de propagande qui nous vise personnellement. Pourquoi une foule fera-t-elle spontanément ce qu'aucune des unités de cette foule n'aurait fait ? Cette crise a également été un grand moment d'offensive contre la liberté d'expression et a donné lieu à la mise en place d'une propagande gouvernementale inédite. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle David Collomb, je suis enseignant et chercheur à Sciences Po Paris. Mais qu'étudiez-vous et sur quoi travaillez-vous ? Sur quelle matière ? Je travaille sur la communication et plus particulièrement la propagande, qui est le sujet de mon dernier livre. Comment êtes-vous arrivé à ce sujet et disons à ce paysage d'études, David Collomb ? J'y suis arrivé d'abord par un intérêt scientifique, par mes enseignements, et puis par le prisme de l'actualité en 2016, car je dois bien admettre que le Brexit et l'élection de Donald Trump ont suscité un vif intérêt chez le chercheur que je suis. Un intérêt lié à l'actualité et qui laisse entendre que votre travail porte essentiellement sur la période moderne ? Mon travail porte essentiellement sur la période contemporaine, même si je ne m'interdis pas quelques voyages dans des temps plus lointains. Je suis fasciné par le monde contemporain et je considère que l'histoire a notamment cette vertu de permettre de mettre en perspective les enjeux très contemporains. David Collomb, vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain ». C'est paru dans la collection Histoire chez Belin. Et votre histoire commence, si j'ose dire, par un accident de train qui a lieu le 28 octobre 1906. Quel est donc ce point de départ ? Ce point de départ est en effet un accident de train aux États-Unis qui n'est ni le premier ni le plus grave que les États-Unis ont connu, mais il se produit en 1906 à un moment où précisément on est entré dans ce nouveau régime d'énonciation de l'opinion avec des médias de masse, ce qui contraint les propriétaires de la compagnie à avoir recours à de nouveaux modes de communication. Ils font appel à un homme qui s'appelait Ivy Lee, qui avait créé la première agence de relations publiques et qui a inventé un certain nombre de techniques qui aujourd'hui encore sont utilisées. Il est l'inventeur du communiqué de presse. Il est aussi et surtout l'inventeur de la communication de crise, puisque il en a posé les bases. Quel est son parcours à lui ? Quelle est sa formation, si toutefois il en a une ? Relève-t-il de ces self-made men qui se fabriquent sur le tas ? Je crois que beaucoup de propagandistes sont des self-made men qui se construisent sur le tas. Ils viennent pour la plupart des classes moyennes. Ils n'ont pas nécessairement une formation universitaire très poussée, mais ils se partagent un intérêt commun pour la communication. Ivy Lee avait une formation de journaliste ou une expérience de journaliste. Et ensuite, un intérêt pour un mode de communication qui vise à faire d'eux des intermédiaires entre des institutions, ici des entreprises, et l'opinion publique dans son ensemble. Car la grande nouveauté, c'est que au XXe siècle, il n'est plus possible pour les géants de l'industrie de dissimuler un certain nombre de choses en ayant recours à la corruption pure et simple des médias. Il faut désormais s'adresser directement à l'opinion publique, et c'est là un boulevard qui s'ouvre pour la communication, pour ce que l'on appelle aux États-Unis les relations publiques, et donc pour la propagande. Public relations embraces what I call the engineering of consent based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society everything depends on the consent of the people. David Colomb, vous vous attardez sur une notion dont moi-même je maîtrisais mal la définition, mais je pense ne pas être le seul dans cette catégorie, à savoir la notion d'esprit public. Pourriez-vous un peu corriger nos interprétations sur cette notion ? Oui, le mot est esprit public. Apparaît pendant la Révolution française, dans, je dirais, la continuité de l'esprit des Lumières, qui se méfiait fortement de l'opinion publique, en considérant qu'il y avait, grosso modo, deux sortes d'opinion publique, la bonne, celle qui émanait des élites, et la mauvaise, celle qui émanait du peuple, sachant que l'opinion populaire avait la faculté de renverser les pouvoirs en place et de contester l'autorité de ceux qui considéraient détenir le savoir et parce qu'ils détenaient le savoir, avaient vocation à détenir le pouvoir. De sorte que très rapidement a été créé un bureau de l'esprit public qui visait à la fois à mesurer en quelque sorte cet esprit à Paris et au-delà et qui visait aussi à agir sur l'opinion publique à travers des dispositifs de censure et à travers des dispositifs d'influence. Ce bureau de l'esprit public a une longue histoire, on le retrouve à plusieurs reprises, notamment sous la monarchie constitutionnelle. Balzac l'évoque dans plusieurs de ses œuvres. Et c'est une tradition qui, au fond, est au fondement de la conception de la propagande comme visant à fabriquer le consentement, parce que cette fabrique du consentement revient à conforter la légitimité des élites en place au détriment d'une opinion publique que l'on qualifierait aujourd'hui de démocratique. La notion de service public, désormais David Colomb, elle est une notion extrêmement positive. Comment donc expliquer au travers de ce que vous nous donnez comme indication, à savoir que la notion d'esprit public est au temps de la Révolution française beaucoup plus un bureau de vérification de la bonne citoyenneté, que cela devienne tout d'un coup une valeur plutôt positive dans l'esprit des gens. Cela traduit, je crois, fondamentalement la démocratisation de nos sociétés sur la longue période, et cela traduit également l'essor de nouvelles formes de communication destinées aux masses qui conduisent à accorder une connotation méliorative, positive, à tout ce qui traduit l'opinion du plus large nombre de personnes. De quelle manière et comment le bureau, à l'époque, fait-il pour parvenir à recueillir ainsi, à glaner, avant même que les sondages modernes n'existent, ce qui fait l'opinion du pays ? Alors, sous l'Ancien Régime, c'était la charge des intendants, et depuis Napoléon, c'est la charge des préfets que de collecter des informations sur l'esprit public en s'appuyant essentiellement sur l'opinion des notables qui sont supposés recueillir l'opinion publique, mais plus encore sont de facto des influenceurs extrêmement important. De sorte que, en recueillant l'opinion des notables, on peut se faire une idée à peu près précise de l'opinion qui compte au XIXe siècle. David Colomb, nous avons un nouveau personnage qui entre en scène dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, paru chez Belin dans la collection Histoire. Il s'agit de Lord James Bryce. Alors nous ne connaissons pas du tout ce personnage, ce Lord. Que fait-il dans votre histoire ? Il s'agit d'un lord britannique qui a exercé également des fonctions universitaires aux États-Unis et qui a rédigé une histoire de l'opinion publique aux États-Unis sur la longue période et qui a identifié quatre âges de cette opinion publique, le dernier étant le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il envisageait l'âge d'une démocratie d'opinion, c'est-à-dire le moment où l'opinion publique viendrait à régner, et il imaginait même que cela serait absolument parfait dans la mesure où l'élection qui ne concerne que ceux qui votent ne serait plus l'outil déterminant pour identifier l'opinion de la nation. Il est, en d'autres termes, celui qui a théorisé une forme de démocratie d'opinion qui constitue l'un des courants les plus importants de l'histoire du XXe siècle, dans notre sujet, bien sûr. Autre personnage qui semble jouer également un rôle, mais beaucoup plus du côté du monde de la science, c'est Harold Laswell. Qui est-il et que fait-il ? Harold Laswell est le premier universitaire à s'être penché sur la propagande, à en avoir fait un objet d'étude. Et il est l'un des pères de la communication moderne. Il a notamment identifié un certain nombre de principes fondamentaux de la communication. Je n'en retiendrai qu'un qui est particulièrement parlant, celui de seringue hypodermique. Il considérait que la transmission d'une opinion se faisait comme un vaccin à travers une seringue et que l'on pouvait ainsi, en recourant aux médias, injecter des opinions dans l'esprit des individus. Ce qui l'a conduit à encourager l'administration Roosevelt à encadrer l'usage de la radio et à utiliser les moyens de communication modernes. Cela étant dit, cette théorie a rapidement été remise en cause lorsque le président Roosevelt, justement, a été réélu pour une troisième fois en 1940, alors qu'il était donné largement perdant et que tous les médias, précisément, étaient contre lui. Est-ce que ça a condamné, une bonne fois pour toutes, son apport, ou bien on intègre la notion d'accident de l'histoire ? Cela n'a pas tout à fait annihilé son apport, dans la mesure où, si l'on se place du côté des gouvernements, enfin du point de vue des gouvernements, sa pensée se traduit aujourd'hui encore par la croyance dans les vertus d'une communication verticale, du sommet vers la base. Tous nos gouvernants considèrent que les médias de masse demeurent des outils déterminants pour influencer l'opinion. Mais de fait, on constate de plus en plus clairement aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, quelque chose qui avait été identifié dès les années 1940 par le sociologue Paul Lazarsfeld, à savoir que l'opinion se forge non pas directement à travers les médias, mais indirectement à travers notamment le recours à ceux qu'il appelait des leaders d'opinion. Ce qui expliquait, par exemple, la victoire de Roosevelt en 1940. Tous les médias avaient beau avoir fait campagne pour son adversaire, enfin s'être engagé pour son adversaire, l'opinion publique des électeurs, par exemple dans l'Ohio qu'avait étudié Paul Lazarsfeld, était davantage déterminée par l'opinion des gens proches d'eux. Ces influenceurs, ce sont des notables, ce sont des membres de la famille, ce sont, on dirait aujourd'hui, des amis Facebook ou des contacts sur Twitter. David Colomb, corrigez-moi si l'image que j'en ai est fausse. J'ai l'impression que tous ces personnages, j'entends ces inventeurs, sont un peu des bricoleurs dans leur garage. Quand ces inventeurs fabriquent ces nouveaux objets, ces nouveaux modes opératoires, ils se frottent forcément à des gens qui ont d'autres expériences, qui par le passé ont nécessairement réussi. Comment parviennent-ils, et parviennent-ils toujours d'ailleurs, à les convaincre de ces nouveaux modes opératoires dans le domaine de la communication, David Colomb ? La propagande est une science appliquée, autrement dit, elle vise un objectif très pratique, convaincre par exemple des électeurs d'aller voter ou dissuader les électeurs de l'adversaire d'aller voter. Et pour atteindre cet objectif pratique, elle tire profit des principes tirés des sciences. Autrement dit, ces inventeurs de la communication moderne sont un peu des bricoleurs qui s'inspirent de principes généraux de sciences fondamentales, la psychanalyse par exemple, pour mettre au point des techniques qui font de facto la démonstration de leur efficacité. Et une fois qu'une technique de communication, de propagande a fait la preuve de son efficacité, elle entre dans un grand catalogue de techniques qui sont dès lors systématiquement utilisées sans que toujours ceux qui les utilisent sachent d'où elles proviennent. Cela sous-entend que ce n'est pas forcément la politique ou l'industrie qui sont les premiers terrains d'expérience ? Non, les premiers terrains d'expérience sont généralement les terrains commerciaux. et les techniques de marketing et les techniques de persuasion qui font la démonstration de leur efficacité dans le champ commercial peuvent ensuite être appliquées au champ politique. Tout autre personnage est dans un tout autre pays qui va également avoir son rôle dans l'histoire de la propagande que vous retracez dans votre ouvrage, David Colomb. Serge Tchakotin, pourriez-vous, pour les auditeurs d'Histoire Vivante, nous retracer un peu à la fois le parcours de Serge Tchakotin et son apport, notamment au travers d'un ouvrage central? Tchakotin est un biologiste, c'est un élève de Pavlov. C'est en même temps un propagandiste qui a œuvré pour les armées blanches pendant la guerre civile en Russie et qui ensuite a œuvré pour le compte du SPD en Allemagne en 1932 face aux nazis. Et le livre auquel vous faites référence, c'est « Le viol des foules par la propagande politique » qu'il a publié d'abord en 1939 et ensuite dans sa version définitive en 1952. Un livre dans lequel il retrace à la fois son parcours et ses travaux. Et cette lecture croisée de ses expériences personnelles et de sa réflexion de scientifique, conduite à mettre en évidence un certain nombre de caractères fondamentaux de ce qu'il appelle le viol psychologique des foules, à savoir le recours fondamental à des mécanismes ou à des techniques qui font appel à des réflexes de base innés, à nos pulsions, à ce que l'on appellerait aujourd'hui notre cerveau reptilien, notre mésencéphale, notre striatum. Autrement dit, toutes les pulsions qui nous conduisent à agir en court-circuitant notre réflexion et notre cortex préfrontal. Le fait le plus frappant présenté par une foule psychologique est le suivant. Quels que soient les individus qui la composent, quelque semblables ou dissemblables que puissent être leur genre de vie, leurs occupations, leur caractère ou leur intelligence, le seul fait qu'ils sont transformés en foule les dote d'une sorte d'âme collective. Cette âme les fait sentir, penser et agir d'une façon tout à fait différente de celle dont sentirait, penserait et agirait chacun d'eux isolément. Certaines idées, certains sentiments ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez les individus en foule. La foule psychologique est un être provisoire, composé d'éléments hétérogènes pour un instant soudés, absolument comme les cellules d'un corps vivant forment, par leur réunion, un être nouveau, manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Avez-vous le sentiment, David Colomb, que ces techniques vieillissent à mesure que l'évolution scientifique, quel que soit d'ailleurs le domaine des sciences, qu'il soit du domaine des sciences dures ou des sciences humaines, progresse et que ce que l'on croyait un temps finit plus ou moins par s'effondrer? Je pense notamment évidemment à la représentation du monde qu'a en son temps un Gustave Le Bon qui, se frottant, disons, à l'histoire des sciences sociales, va voir sa représentation du monde disqualifiée en quelque sorte dans le temps. Est-ce que vous constatez, vous aussi, au travers de ces différents inventeurs, chercheurs, je ne sais comment les appeler, que bon nombre de leurs techniques vont se démoder, pour le dire vite? En réalité, il est rare que des techniques de propagande se démodent vraiment. Ce qui se démode, c'est davantage le support, le médium auquel il est fait recours pour administrer ces techniques. En revanche, une fois qu'une technique a montré son efficacité sur la psyché humaine, elle est régulièrement reprise et les techniques qui, par exemple, ont été inventée dans les années 20 et les années 30, figure aujourd'hui encore dans les manuels de campagne des armées pour mener des campagnes de guerre psychologique. Vous citiez Gustave Le Bon, il est aujourd'hui une référence fondamentale pour quiconque se préoccupe du maintien de l'ordre, parce que cette psychologie des foules apparaît à beaucoup comme tout à fait pertinente pour comprendre le comportement de foules, par exemple de manifestants. Gabriel Tarde est, sans avoir pu le savoir naturellement, un penseur incontournable pour appréhender la question des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais à partir du moment où on a fait apparaître la technique même de la propagande, dans quelle mesure celle-ci peut-elle être encore efficace si l'on en connaît en quelque sorte tous les stratagèmes? En réalité, la propagande est de plus en plus efficace pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle devient à peu près incontournable. Le temps que nous passons tous devant des écrans est un temps absolument extraordinaire au regard du temps que nos aïeux passaient à lire la presse ou devant la télévision. Nous sommes donc davantage exposés. Ensuite, à la différence de ceux qui nous ont précédés dans l'histoire, nous donnons beaucoup plus d'informations sur nous-mêmes à travers les traces numériques que nous laissons, données qui peuvent être exploitées et qui ne manquent pas de l'être pour procéder à ce que l'on appelle un micro-ciblage de la propagande qui rend celle-ci beaucoup plus effective, puisqu'on ne s'adresse pas d'un propagandiste unique à une masse informe, mais on procède à une propagande personnalisée de masse, en s'adressant de façon personnalisée à des millions de personnes à la fois. Et enfin, le grand tournant de la propagande a été opéré à la fin des années 90 et au début des années 2000 par les avancées de la science, des neurosciences, la connaissance que l'on a du cerveau qui progresse. Et toutes ces connaissances en matière notamment de sciences cognitives conduisent à perfectionner toujours plus les techniques de propagande, qui deviennent de ce point de vue-là beaucoup plus difficilement décelables qu'elles pouvaient l'être par le passé. On se doutait qu'un film d'Eisenstein était un film de propagande. Aujourd'hui, on ne se doute pas nécessairement, lorsque l'on a affaire à une publicité sur un réseau social, que l'on a affaire à une opération de propagande qui nous vise personnellement. Mais dans cette évolution, on devine une sorte de vacillement. Nous sommes entrés de prime abord, tout au moins certains le disent, dans une ère qualifiée ou qu'ils qualifient de post-vérité. N'est-ce pas là la démonstration que les mécanismes de propagande, les modes opératoires, se chevauchant sans doute les uns les autres, s'additionnant sans cesse, donnent le sentiment d'un puissant fond et surtout d'une opinion publique qui peut se dire que tout est suspect? À mes yeux, la post-vérité est elle-même le produit d'une propagande de masse qui émane d'un certain nombre d'acteurs, notamment industriels, qui avaient tout intérêt à encourager un relativisme généralisé. Par exemple, les industries polluantes avaient intérêt à relativiser les connaissances sur le réchauffement climatique. De sorte que nous avons effectivement basculé dans une ère nouvelle, qui est celle d'un relativisme quasiment complet, qui place, je crois, la plupart des individus dans une situation fort inconfortable, qui est celle de gens en contact direct avec la propagande et encouragés à faire par eux-mêmes ce travail de réflexion critique pour identifier ce qui relève ou ce qui ne relève pas de la propagande. Alors que ce travail, pendant plus d'un siècle, avait été le fait de ceux que les anglo-saxons appellent les gatekeepers, les portiers, à savoir les journalistes, les éditeurs et les scientifiques. Aujourd'hui, ce travail de tri de l'information, de hiérarchisation critique de l'information n'est plus aussi efficient qu'il l'était par le passé, parce que les réseaux sociaux et Internet de façon générale placent les individus en contact direct avec une connaissance infinie qui, de facto, rend de plus en plus prégnant un certain nombre de biais cognitifs, comme Gérald Bronner, dans ses différents ouvrages, notamment La démocratie des crédules, l'a remarquablement montré. Nous sommes beaucoup plus enclins à croire en des choses fausses dès lors que le biais de confirmation nous y encourage sur Internet. Approchons-nous de votre propre expérience. David Colomb, vous êtes vous-même enseignant. Pouvez-vous vérifier, en quelque sorte, la validité de vos propos? Est-ce que l'autorité que vous pourriez incarner, représenter, se trouve remise en question, vos messages et vos informations disséqués ou interprétés ou interprétés de travers par ceux auxquels vous vous adressez? Alors, je me méfie d'abord de moi-même. Je suis un adepte de la métacognition, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de me méfier de mes propres biais qui pourraient me conduire à croire en des choses fausses. De sorte que dans la démarche qui est la mienne lorsque je rédige un livre ou que je rédige des cours, je veille à toujours étayer mes propos par des références scientifiques solides, aussi solides que possible. Ce qui se traduit très concrètement par une multitude de notes en bas de page, mais je le crois nécessaire et je crois que je dois ça à mes élèves pour leur permettre de se faire leur propre opinion et d'aller vérifier les informations que je leur donne. Ensuite, la difficulté que vous évoquez, celle du prof qui voit ses propos pas toujours reçus tels qu'ils ont été délivrés, est propre à tout enseignant, bien évidemment, et il nous appartient d'encourager, je le crois très profondément, nos élèves à développer leur propre réflexion critique, leur propre réflexion métacognitive, et je dois dire que je passe un temps de plus en plus considérable à alerter mes élèves sur les risques posés par les biais cognitifs dont ils peuvent eux-mêmes souffrir et à les encourager à réfléchir sur leur propre rapport au savoir et à l'apprentissage. Entre le moment où vous commencez votre enseignement et aujourd'hui, vous mesurez une avancée, une progression en quelque sorte dans ce sillage? Je le crois. Et je crois surtout que ce que j'apprends au contact de mes élèves est peut-être plus important encore que ce que je peux leur enseigner. Autrement dit, l'enseignant est d'abord un étudiant qui continue d'étudier. David Colomb, si l'on veut vous lire, vous allez vous-même désormais faire votre petite opération de promo en rappelant le titre de l'ouvrage et l'éditeur. Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, paru aux éditions Belin en 2019 dans la collection Histoire. David Colomb, vous avez regardé pour nous le documentaire qui est à voir depuis le début de la semaine sur le site de la RTS et qui sera à voir dimanche soir sur RTS2. Alors, pouvez-vous nous en faire rapidement le résumé et puis peut-être nous donner votre opinion sur ce que vous en avez pensé et sans doute ainsi le conseiller, voire le déconseiller, si vous faites une critique des plus persiflantes à son endroit, aux auditeurs? Non, je ne vais pas le déconseiller, je ne vais pas non plus le résumer pour ne pas spoiler, comme on dit, son contenu. Le documentaire de Jimmy Leopold est un documentaire absolument extraordinaire et fascinant qui s'appuie sur le parcours et la personnalité d'Edouard Bernays et au prisme de ce parcours tout à fait remarquable et hors norme, envisage les mutations sur la longue durée de la communication moderne. C'est un documentaire d'intérêt public dont je recommande très fortement le visionnage et merci beaucoup à la RTS de nous permettre de le regarder. Merci à vous d'être venu au micro éloigné d'Histoire Vivante et d'avoir assuré de votre côté votre propre prise de son. Merci Jean Leclerc de m'avoir invité et merci pour cet échange très enrichissant. Demain, la suite de cette semaine consacrée à la propagande et à la manipulation avec la rencontre auprès d'un autre chercheur, Olivier Bosque. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zvalen et la voix de Philippe Grappelou. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.